La traversée de l'Hudson de Peter Stefan Jung. Mon fils a derrière lui 29 heures de voyage. Vous voyez pas qu'il en peut plus? Ça saute pourtant aux yeux. Madeleine, oui, nous sommes déjà dans la voiture. À 4h30, au plus tard, je suis auprès de vous. Nous nous sommes beaucoup aimés, papa et moi. Et pas seulement comme frères et sœurs, comme c'est souvent le cas dans les vieux couples, non. Vraiment aimés. De quoi veux-tu vivre à l'avenir, Gustave? Tu peux volontiers continuer à vivre à mes frais, si c'est réellement ça que tu veux. Seulement, je ne suis pas sûr qu'à la longue, cela te rende vraiment heureux. Moi, tu me rendrais singulièrement heureuse, car tu embrasserais la profession avec laquelle j'ai grandi, dans la puanteur des fourrures, des peaux, du tannage. Je ne permettrai pas, je ne veux pas qu'on dise à l'avenir, le fils de Ludwig Rubin est fourreur. Deuxième épisode. Gustave devint fourreur, et même avec beaucoup de succès. Les dames l'adoraient pour son charme. Il vendait aux femmes les plus simples et les plus distinguées des manteaux de toutes sortes et à tous les prix, grâce à son intuition, à ses remarques astucieuses, à sa faculté de donner aux clientes le sentiment d'être à part et d'être incomparablement chic dans le manteau de leur choix. Et en l'espace de quelques années, il devint l'associé à part entière de la maison Lichtmann, qui s'appela désormais Lichtmann et Rubin. Pour poursuivre ses recherches, il ne lui restait plus de temps. Il n'avait même pas le loisir de lire des publications ni d'assister à des colloques traitant de son ancienne spécialité. Il fallait qu'il se pince le bras chaque matin au réveil, les premières années de cette nouvelle vie, pour s'assurer qu'il ne rêvait pas, qu'il avait effectivement embrassé cette carrière et ne faisait pas que l'imaginer. Est-ce que là, au moins, tu comprends quelle bêtise tu as faite? Si nous avions pris un taxi, comme je le proposais, on y serait déjà. Surtout, on ne se serait jamais retrouvé du mauvais côté du fleuve. Mom, si tu ne me fiches pas la paix, tu descends. Je te plante là, au milieu du pont, parole d'honneur. Depuis que tu es monté dans cette voiture, tu n'arrêtes pas de me tarabuster. Quand ils se disputaient en présence d'autres gens, ce qui n'était pas rare, Rosa commençait par faire un clin d'œil taquin aux témoins, puis leur disait « il fait son numéro ». Ou bien elle soupirait « quand je pense quel adorable bébé tu étais ». J'ai besoin de cette voiture de location. Je ne peux pas rester tout l'été sans voiture. Madeleine n'a pas le permis de conduire, tu le sais bien, sinon elle aurait pu louer une voiture voilà une semaine quand ils sont arrivés. Ne te gonfle pas comme ça. Tu n'es pas si important. Ne te gêne pas pour me laisser là, je me débrouillerai. Je retournerai à pied jusqu'à la première localité, je prendrai le train, so what? Je trouve rien de plus affreux que d'être bloqué dans un embouteillage. Ça me donne déjà la nausée. Ces gaz d'échappement épouvantables. Je suis sûre que je vais vomir. Ce que je ne comprends pas, c'est comment une femme moderne comme ta Mad peut ne pas avoir le permis. Ça n'existe plus de nos jours. Comment fait-elle les courses quand tu n'es pas là? Vous n'avez pas de commerce au bord du lac. Les voisins l'emmènent quand ils vont au supermarché. Idiot. C'est complètement idiot. Je ne veux pas m'en mêler, mais si tu l'avais exigé, il y a longtemps qu'elle aurait passé le permis. Tu es lâche. Tu veux pas avoir de conflit avec elle. Là, ton père était tout à fait différent. Quand quelque chose ne lui allait pas, il se mettait à crier. Et ça m'en imposait. Et au contraire, tu te défendais de plus belle. Qu'est-ce que tu racontes? Absolument pas. Je me soumettais. Je me suis toujours soumise. C'est lui qui donnait le là, pas moi. Mom savait toujours tout mieux que tout le monde. Il n'y avait rien à y faire. Pas un itinéraire, pas un horaire d'aucune journée, pas un conflit personnel ni collectif n'était à l'abri de sa volonté de déterminer le cours des choses. Sa compétence manifestement universelle culminait souvent dans cette formule « si tu avais... » Si tu avais exigé qu'elle prenne des leçons de conduite aujourd'hui, elle aurait pu venir te chercher. Et nous aurions pu nous épargner cet épouvantable cauchemar. C'est seulement à la quarantaine que Ludwig avait pris des leçons de conduite à Brooklyn. Et dès la quatrième séance, le moniteur l'avait mis en garde. Il avait les réflexes trop lents pour espérer jamais être reçu à l'examen. Et l'homme avait pris congé sur cette formule qui était restée proverbiale dans la famille « You are a public danger, sir ». Au fil des années, Ludwig éprouva pour l'automobile une haine de plus en plus violente. il se mit à écrire des lettres à des quotidiens, réclamant, dès la fin des années 50, des zones piétonnes dans le centre de toutes les grandes villes. Quand il intervenait dans des émissions de radio ou de télévision, toute occasion lui était bonne pour dénoncer les dérives d'une société livrée à l'automobile et courante aux crises qui en résulteraient. La pollution croissante de l'air, la défiguration sans cesse aggravée du paysage lui tenaient à cœur, à une époque où l'opinion ne se souciait guère de ces dangers. Lorsque la famille vint s'installer à Vienne, la haine paternelle de l'automobile se manifesta d'une façon dont Gustave n'entendit parler qu'après la mort de Ludwig. Les parents tinrent la chose secrète plus de 30 années durant. Une nuit, en rentrant d'un établissement où l'on boit le vin de l'année, Ludwig avait fait un faux pas à quelques mètres du portillon du jardin et s'était heurté le front au pare-brise d'un minibus Volkswagen garé là. Il fut alors pris d'une telle colère contre toutes les automobiles rangées dans la rue qu'il se précipita dans la maison, alla chercher à la cave une hache et se mit à taper sur trois des voitures. En dépit de semaines d'enquête et de plusieurs interrogatoires du principal suspect, la police ne put prouver que c'était lui le coupable. Comme elles étaient usées et sales, les chaussures de mon père, songea Gustave, pris dans l'embouteillage. Pas une paire n'était en bon état. Il revit le gros orteil du pied gauche de son père à travers le cuir desséché et écaillé de ses innombrables paires de chaussures, comme au rayon X. Dans le souvenir du fils, l'ongle en était à tout jamais noir, jaune et brun, fendillé et anormalement saillant. Conséquence de cette nuit où le père s'en était pris aux automobiles. Son forfait une fois commis, il s'était dépêché de rentrer à la maison et avait dévalé l'escalier de la cave. La hache lui avait alors échappé des mains et lui était tombée sur le pied. Il avait trébuché sur le manche et s'était étalé de tout son long sur le sol de la cave. Son gros orteil saignait encore des heures plus tard. Mom lui avait fait un pansement provisoire. Il s'était refusé à se rendre chez un médecin ou à l'hôpital au milieu de la nuit. La plaie n'avait cessé de saigner que le lendemain matin et l'orteil ne s'en était jamais remis. Quand il demandait ce qui était arrivé au gros orteil paternel, on lui répondait régulièrement qu'il avait toujours été comme ça. Pourquoi lui cachait-on la vérité? Parce qu'il était exceptionnel qu'on lui dit la vérité. De même que Madeleine et Gustave ne disaient qu'exceptionnellement toute la vérité à leurs enfants. Allô? Oui, j'arrive. Oui? Non, sur un pont que tu ne connais pas. Le Tappanzi. Non, parce qu'on n'est jamais passé par là, Amadé, c'est pour ça. Je me suis trompé de route tout à l'heure, mais tout est rentré dans l'ordre. Non. Je me dépêche, promis. Kisses. La laideur des pieds paternels, l'ongle mal fichu du gros orteil gauche. Il ne pouvait se défaire de cette image. En même temps, il éprouvait une forte envie d'uriner, de plus en plus pressante. Où pouvait-on bien trouver des toilettes sur cette rampe d'accès au pont? Les chaussettes paternelles. Elles avaient toujours des trous, surtout celles qu'il avait portées au pied gauche, sur cet orteil jaune et noir. Il n'y avait pas une paire neuve qui résista plus de 3 jours. Ses maillots de corps blancs et sans manches étaient eux aussi toujours troués au niveau de l'estomac. Il souffrit sa vie durant d'une gastrite chronique. À 13 ans, pour faire le malin dans la cour d'une école de Berlin, il avait bu toute une bouteille de vinaigre. On lui avait fait un lavage d'estomac. Il ne s'était jamais débarrassé de cette irritation des muqueuses. Au restaurant, il commandait toujours ses salades sans vinaigre. Souvent, on oubliait cette exigence ou l'on n'en tenait pas compte. Si la moindre odeur de vinaigre effleurait sa narine, il renvoyait aussitôt l'assiette. Sa façon de traiter les serveurs en général. Dès qu'il ne se montrait pas assez prévenant en prenant sa commande, il ajoutait à celle-ci « Et une portion d'amabilité, je vous prie ». Les parents de Gustave étaient de ces gens qui, dans les restaurants, dans les hôtels ou au guichet des gares, exigent de parler au responsable ou au chef de l'établissement dès qu'il y a la moindre raison de se plaindre. Ils étaient de ces gens qui insistent lourdement, qui n'acceptent jamais qu'on leur réponde non, qui s'accrochent, qui entendent avoir satisfaction et n'en démordent pas. Il faut malheureusement que j'aille aux toilettes. Moi aussi. Ça m'avance pas à grand chose, mon enfant. Il nous faut attendre d'être de l'autre côté. Nous attendrons longtemps. Une heure si ça continue comme ça. Je tiendrai sûrement pas jusque-là. Gustave sentait autour de lui la présence de son père. Il n'avait pas seulement devant les yeux les pieds de Ludwig et ses orteils. Il voyait aussi les chevilles avec leurs petites veines bleues. Il voyait ses tibias, ses jambes nues jusqu'à hauteur des genoux. Je vois tes rotules, papa, et le derrière des genoux. Mon regard pénètre jusqu'à tes os friables, jusqu'à leurs moelles. À quoi penses-tu ? Aux jambes de papa. C'est drôle que tu dises ça. À la minute même, j'avais devant les yeux les pieds de papa, ses tibias, ses deux jambes, jusqu'à hauteur des genoux. Et là, maintenant, à quoi penses-tu ? Maintenant ? Je le vois allongé, nu, comme prêt pour la toilette mortuaire. Moi aussi. Tout à fait nettement. Mais déjà quelques secondes avant que tu le dises. Où veux-tu aller ? Nulle part. Il alla jusqu'au bord du pont. Penché sur le parapet, il plongeait le regard dans l'eau écumante de l'Hudson. C'est à ce moment qu'il remarqua la chose. Il la vit aussi nettement que le flot figé des voitures, que les camions, les bus, les bateaux à voile et les hors-bords arrimés sur les remorques. Là, en bas, dans le fleuve, directement sous le Tappan Zee, et parallèlement à lui, reposait, nu, le corps gigantesque de son père. L'eau de l'Hudson baignait en vagues écumantes ses pieds, juste en dessous de Gustave, du côté ouest du pont. Quant à la tête du père, elle reposait à plus de 2 kilomètres avant le bout du pont, vers le côté est de l'Hudson, dans l'eau moins profonde, proche de l'autre rive. Entre ces deux extrémités, les jambes du père, ses fesses, son sexe, le ventre légèrement gonflé, ses bras, sa poitrine avec ses 3 mamelons... Sous le mamelon droit, il y en avait un troisième, un peu plus petit, que Gustave avait aussi en réduction au même endroit et qui, quand il était petit, lui avait donné la certitude de n'être pas un enfant adopté. Comment pouvait-il être sûr que c'était son père qui gisait là, sur son côté gauche, celui du cœur, étendu de tout son long à ses pieds, avec des dimensions monumentales, immobile mais non sans vie, inanimé mais non mort? Son père qui l'idolâtrait, son meilleur ami, son grand frère, son animal de père qui lui paraissait immortel. Ludwig Rubin, qui, à intervalles réguliers, lui avait promis depuis qu'il était petit garçon « Je vivrai 120 ans, Gustave. Tu verras, Bourget. Tu me laisses bien longtemps seul. Excuse-moi. Je me suis brusquement senti un peu bizarre. Inutile de me raconter, Bourget. Je sais de quoi il retourne. Si ma vessie n'était pas si pleine, j'irais voir ça tout de suite, mais je peux pas pour l'instant. De quoi parles-tu ? Notre Bourget est là, sous le pont, nu, étendu de tout son long. Mom, tu délires. Donc, premièrement, ne me mens pas. Deuxièmement, tu trouves tout de suite une solution pour que je puisse faire pipi. Et troisièmement, à la radio, ils ont dit qu'un énorme camion s'est mis en travers de toutes les voies, assez loin d'ici, côté est. Ça peut durer longtemps. On devrait appeler Mad. Madeleine, pas Mad. Elle ne s'appelle pas Mad. Il retourna en courant jusqu'au parapet et regarda en bas, dans les flots. Les pieds de son père, ses jambes monstrueuses que baignaient en se jouant les eaux de l'Hudson, rien n'avait changé. Ses pieds, ses jambes, tellement plus robustes que chez le fils. Pendant leur randonnée annuelle, leur marche à travers l'Écosse, la Hollande, la France, l'Italie, le père avait tellement plus d'endurance, plus d'allant pour marcher en Bretagne ou dans la plaine hongroise, plus d'agilité pour gravir les pentes en Sicile, dans les Pyrénées. L'ancien athlète qui, dans sa jeunesse, avait remporté des épreuves internationales sur 100 mètres, sur 400, sur 1000 mètres, précédait souvent de loin son fils dans ces paysages. Et Gustave trottinait à la traîne. Il faisait toujours confiance au hasard. Il se laissait porter. Le père avait habitué le fils à l'incertitude. Il lui avait appris à marcher au petit bonheur, sans rien de sûr et sans peur. On trouverait bien un toit avant que la nuit ne tombe. Il fallait s'abandonner, sans crainte, au destin. Jamais tu ne dois abandonner. Dans la vie, quoi qu'il t'arrive, n'abandonne pas. Ces promenades avaient commencé lorsque Gustave avait 10 ou 11 ans et restèrent de règle jusque dans les dernières années de la vie du père. C'était l'occasion de commenter, d'échanger ce que l'un et l'autre avaient fait au cours de la semaine, ce qu'ils avaient pensé, ce qu'ils n'avaient pu faire. Ludwig avait généralement plus de choses à raconter que son fils. Ses tournées de conférences, ses trajets en chemin de fer d'une ville de province à la suivante qui accompagnaient et poursuivaient Gustave jusque dans ses rêves, bien que ce fussent les voyages de son père. Le fils parlait de son active tranquillité, de ses recherches d'historien, soucieux qu'il était de dénicher jusqu'aux aspects les plus accessoires de la guerre de Cent Ans. Plus tard, il lui expliquait les particularités de la profession qu'il avait embrassée contre la volonté de son père. Et celui-ci les écoutait toujours comme des choses inconcevables. Vente aux enchères à Toronto et Helsinki, stock de fermes russes et nord-américaines, introduction de méthodes nouvelles d'abattage faisant moins souffrir les bêtes à fourrure. Bonjour monsieur. Pardonnez-moi si je vous importune. Voilà, ma mère a un besoin urgent. Exclu. Si je permettais à votre mère d'user de mes WC chimiques, les gens se presseraient en foule à ma porte et demanderaient à en faire autant. Depuis le début de cet embouteillage, je n'ai qu'une peur, c'est que quelqu'un me demande ça. N'y pensez plus. Merci, monsieur, vous êtes bien bon. Impudence incroyable. Il y a des limites et vous les avez passées. C'est une agression. Écoutez, excusez-moi, je vais vous dédommager. Non, mais je vous en prie, je ne veux pas de votre argent, c'est une question de principe. Plusieurs centaines de mètres. Les poids lourds accidentés transportés du toluène, quelques automobilistes qui se trouvaient à proximité immédiate. Tous mes remerciements, monsieur. Mon fils aurait aussi besoin, il peut. Incroyable. Viens. Ce monsieur est déjà très en colère contre nous. Par contact direct. Incroyable. Une inflammation des muqueuses, mais il n'y a pas lieu de s'affoler. Pas lieu de s'affoler. Ce genre de truc me cause toujours des migraines et des vertiges épouvantables. Le toluène. Jamais entendu parler. Tu sais très peu de choses d'une façon générale. Je suis souvent frappée de voir que, surtout dans les choses pratiques, tu n'as pas aidé de grand-chose. Tu as toujours été en retard sur tout. Tu connais beaucoup de gens qui se laissent beurrer leurs tartines jusqu'à l'âge de 11 ans. Mais maintenant, je veux enfin aller voir papa. Je voulais pas tout à l'heure avec la vessie pleine. Montre-le-moi donc enfin. Ça donnera au moins un sens à cette ineptie dans laquelle tu nous as fourrés, avec ta façon typique de te tromper de chemin. Laisse-moi seule, je te prie. Je ne veux pas t'avoir à mes côtés quand je regarderai en bas. Gustave tourna les talons, ouvrit le coffre, chercha dans son bagage à main la bouteille d'eau minérale qu'il avait achetée à Reykjavik et se glissa dans le coffre de la voiture. Il se coucha en chien de fusil sur le côté, comme un embryon, ouvrit sa braguette et pissa dans la bouteille. Il sentit la chaleur de l'urine irradier dans sa paume à travers la mince paroi de plastique. Comme c'est simple pour nous les hommes. Pour ses voyages en train de nuit, son père emportait toujours une bouteille vide. Plutôt que d'avoir à descendre de sa couchette et à parcourir le couloir jusqu'au WC, il utilisait ce qu'il appelait son pistolet. N'oubliez pas de me mettre le pistolet dans la valise. Est-ce que j'ai encore des boules fraîches ? Il s'agissait des boules de cire qu'il s'enfonçait dans les oreilles, des billes de couleur rose, de la marque Kies, bien sûr particulièrement indispensables pour les trajets de nuit en chemin de fer. Très, très curieuse histoire. La chose m'inquiète un peu. Je me suis d'ailleurs adressée à une jeune femme qui était à proximité. J'ai demandé de bien vouloir regarder en bas, me dire ce qu'elle voyait. Elle m'a fixé d'un air complètement effaré. Et elle est partie en courant, très vite même. Comme si elle avait vu un fantôme. Elle était vraiment toute retournée. Le père était mort 11 mois auparavant, après avoir souffert nuit et jour une année durant. Une année pendant laquelle il était resté couché sur le dos, quasi immobile, sonnant pour demander de l'aide 4 fois, 5 fois par heure, implorant qu'on lui arrange ses oreillers, qu'on le tire ou qu'on le remonte dans des positions plus supportables. L'apoplexie l'avait frappé avec la violence d'une guillotine. À chacune de ses visites, Gustave s'efforçait de faire la conversation, mais il trouvait de plus en plus rarement des phrases, des sujets, des récits qu'il aurait pu servir à son père. Il avait beau lui lire des livres techniques que le père lisait naguère en diagonale en un jour, tant il était curieux, ou bien lui raconter les nouvelles du monde, cela ne provoquait pas la moindre réaction. Les derniers mots qu'il dit à Gustave, on le comprenait très difficilement, il balbutiait, cherchait les lettres une à une. Sa dernière phrase fut « Fiston, bouche que j'aime, dis à maman qu'il ne faut pas qu'elle me domine aussi terriblement. Sans arrêt, sans arrêt. » Pendant 11 mois, Gustave Robert Rubin avait récité le Kaddish pour Ludwig David Rubin, lequel qualifiait régulièrement la religiosité de son fils de régression dans le Moyen-Âge. Vraiment, tu n'as jamais entendu parler des Lumières. Surtout toi, Gustave, en tant qu'historien. Tu ne peux pas ne pas voir que ton retour à la piété trahit les idéaux de tes ancêtres libérés du joug de la foi. Je t'en prie, ne deviens pas religieux, pour l'amour de moi. Viens. Cette fois, nous allons regarder en bas ensemble. Et alors, est-ce que tu as déjà fait pipi? Maman, j'ai 45 ans. Tu crois pas que je suis assez grand pour m'occuper tout seul de ce genre de choses? Il faut pas me gronder, Bourget. Papa nous écoute. Quand il nous arrive une chose aussi incroyable, tu n'as pas à me critiquer. C'est un vrai grand miracle qui se passe pour nous deux. Et tu me remets à ma place. Alors que je suis encore toute retournée, au moins autant que toi. Sois pacifique, sois gentil avec moi. Au moins, un tout petit peu plus gentil. Debout contre le parapet, ils se penchèrent vers l'Hudson. Les pieds de Ludwig et ses jambes se trouvaient sur leur droite, vers l'ouest. La jambe droite était légèrement fléchie. Et de là où il se trouvait pour le moment, elle cachait le sexe. Gustave alla chercher dans ses bagages son appareil photo de poche, le seul qu'il posséda. Ludwig avait la passion de la photo. Il avait des Nikon qui étaient des antiquités et un Leica de 1935, ce qui avait incité Gustave à délaisser notablement la photographie. Mais son Kodak tout simple, il l'avait toujours avec lui. Il se pencha très loin en avant. Bicycles for two, broken hearted jubilee. C'était La traversée de l'Hudson de Peter Stephan Jung. Traduction Bernard Lortolari. Adaptation Julien Douminc. Deuxième épisode avec Daniel Lebrun, Mom, Christophe Giordano, Gustave, Jean-Gabriel Nordmann, Ludwig, Thibaut de Montalembert, le narrateur, et les voix de Maxime Dambrun et Sébastien Logénie. Bruitage Patrick Martinache. Musique originale composée par Dominique Massa et interprétée par Erwan Ricordo. Équipe de réalisation Émilie Couette, Clémence Gross, Kevin Lebars, Julien Douminc, François Christophe. La traversée de l'Hudson est publiée aux éditions Jacqueline Chambon.